Chaque nuit c'est un remix, remix. Chaque nuit c'est un remix, remix. Chaque nuit c'est un remix, remix. Chaque nuit c'est un remix, remix. Chaque nuit c'est un remix, remix. Chaque nuit c'est un remix, remix. Chaque nuit c'est un remix, remix. Chaque nuit c'est un remix, remix. Depuis way back, je voulais arnaquer la nuit. Oui, arracher du dos. Je voulais arriver dans son dos pour voir y garder mon couteau. La vie me coûte trop cher, page vitro. Toujours à mauvaise place, comme Guerrero des expos. Chaque nuit c'est une nouvelle mauvaise phase. Au dernier show, j'ai l'air cap. J'ai pas eu de cachet, on a séché. Parce que le gars qui me payait ce cachet. Une autre genre de tâche qui me fait chier. L'expert les tâches faciles. Comme tout le monde, je veux faire du cash fast. Pas seul d'avoir en masse à cause du CD dans ton ghetto blaster. La nuit m'a saigné pis c'est flex avec les plasters. Plus alors ruiner mes plans, vivre le ventre vide, c'est plate à ça. Planifie être millionnaire demain. Millionnaire demain. J'te fake visionnaire qui plane toujours loin son chemin. Je me rappelle. A chaque nuit c'est un remix. Le meilleur c'est comme aussi. Je me rappelle. J'essayais de remixer ma vie. Ben, tu vas voir le remix. Si un an, signé sur Sony. Faire le pire flop de l'histoire chaque soir. Pas fort par l'industrie. Ma vie est stock sur un CD. Et sur repeat depuis. Trop longtemps qu'on s'épuise. On vient qu'on sait plus. Quelle heure qui est ou quel jour barré du calendrier. Faut pour me calmer, j'fais une collection de copies de cendrier. C'est con, mais c'est comme ça. J'cumule les lunes sans les compter. Chaque nuit, c'est un remix. Remix. Chaque nuit, c'est un remix. Remix. Chaque nuit, c'est un remix. Remix. Chaque nuit, c'est un remix. Je me réveille, je fais des cauchemars. J'y suis trop tard. Ta nuit, portait pas conseil. Genre, je laisse avec tes Nike, ton char. Pis t'es le next fail. Combat continue, pis les combats s'accumulent. Pas de médicaments, les pilules, les font que le mauvais bail. Y'en a plus. Fait que dis-moi comment faire. J'veux que la nuit arrête de me taper dessus. C'est un cancer, sa rémission. Une goye vous, ça se crame ma saison. J'voudrais me trouver une bonne fille, comme Cendrillon. Avoue que c'est presque aussi dur de trouver une bonne fille pour gagner les millions. C'est plate, mais c'est dur de faire du loot au Québec. J'te gratteux, tu peux faire cracher l'autre au Québec. C'est moi, j'me rappelle. A chaque nuit c'est un remix. Le meilleur c'est comme aussi. Moi j'me rappelle. Chaque nuit c'est un remix. Le meilleur c'est comme aujourd'hui. Chaque nuit c'est un remix. Remix. Chaque nuit c'est un remix. Remix. Chaque nuit c'est un remix. Remix. Chaque nuit c'est un remix. Remix. Chaque nuit c'est un remix. Chaque nuit c'est un remix. Remix. Chaque nuit c'est un remix. Remix. Chaque nuit c'est un remix. Remix. Chaque nuit c'est un remix. Remix.